Chapitre 10e. Le gouvernement chinois a établi à Xiamdo un magasin de vivres dont l'administration est confiée à Liang Tai. La garnison est composée de 300 soldats environ et de 4 officiers, un Yehuki, un Tsien-sung et 2 Patsung. L'entretien de ce poste militaire et des corps de garde qui en dépendent monte annuellement à la somme de 10 000 onces d'argent. Xiamdo, capitale de la province de Kham, est bâtie dans une vallée entourée de hautes montagnes. Autrefois, elle était renfermée dans une enceinte de remparts en terre, aujourd'hui écroulée de toutes parts, et dont on enlève journellement les débris pour réparer les plateformes des maisons. Xiamdo, du reste, n'a guère besoin de fortifications artificielles. Elle est suffisamment protégée par 2 fleuves, le Tsachu et le Humchu, qui, après avoir coulé l'un à l'est et l'autre à l'ouest de la ville, se réunissent au sommet et forment le Yalongqiang qui traverse, du nord au midi, la province de Yunnan et la Cochinchine et se jette enfin dans la mer de Chine. 2 grands ponts de bois, jetés l'un sur le Tsachu et l'autre sur le Humchu, à droite et à gauche de la ville, conduisent à 2 routes parallèles, nommées la première route du Sichuan et la seconde route de Yunnan. Les courriers qui font le service des postes de Lhasa à Pékin et tous les employés civils ou militaires du gouvernement chinois sont obligés de passer sur la route de Sichuan. Celle de Yunnan est presque habituellement déserte. On y rencontre seulement, de temps en temps, quelques marchands chinois qui achètent, des mandarins de leur province, le privilège d'aller commercer dans le Tibet. Les postes militaires que la cour de Pékin a établis dans les états du Dalai Lama étaient autrefois entretenus et administrés par les autorités réunies du Sichuan et du Yunnan. Cette combinaison ayant été, pendant longtemps, une source de division et de querelles entre les mandarins des 2 provinces, il a été réglé que le vice-roi du Sichuan serait seul chargé du gouvernement des Chinois résidant dans le Tibet. Xiambo présente l'aspect d'une vieille ville en décadence. Ses grosses maisons, construites avec une choquante irrégularité, s'éparpillent confusément sur une vaste étendue de terrain, laissant de tous côtés de grands espaces vides ou recouverts de décombres. À part quelques constructions de fraîche date, tout le reste porte l'empreinte d'une extrême vétusté. La population nombreuse qu'on remarque dans les divers quartiers de la ville est sale, mal peignée et croupie dans une oisiveté profonde. Il nous a été difficile de deviner quels pouvaient être les moyens d'existence des habitants de Xiamdo. Ils sont sans art, sans industrie, et on peut dire aussi presque sans agriculture. Les environs de la ville ne présentent en général que des plages sablonneuses et très peu favorables à la culture des céréales. On y fait pourtant quelques récoltes d'orge grise, mais elles sont sans doute bien insuffisantes pour l'alimentation du pays. Il est possible que le musc, les pots de bœufs sauvages, la rhubarbe, les turquoises bleues et la poudre d'or fournissent à ces populations les moyens de faire un peu de commerce et de se procurer les choses nécessaires à la vie. Quoique Xiamdo soit un lieu de peu de luxe et d'élégance, on peut y admirer néanmoins une grande et magnifique lamaserie située vers l'ouest sur une plateforme élevée qui domine le reste de la ville. Elle est habitée par environ 2000 lamas qui, au lieu d'avoir chacun leur petite maisonnette, comme cela se pratique dans les autres couvents bouddhiques, demeurent tous ensemble dans de vastes édifices dont le temple principal est entouré. Les décorations somptueuses qui ornent ce temple le font regarder comme un des plus beaux et des plus riches du Tibet. La lamaserie de Xiamdo a pour supérieur ecclésiastique un lama Hotuktu, qui est en même temps souverain temporel de toute la province de Kham. À 5 lis de Xiamdo, en allant vers les frontières de Chine, on rencontre une ville nommée Jaya, qui, avec les contrées qui en dépendent, est soumise à un grand lama, portant le titre de Chakchuba. Cette dignité lamaïque est un peu inférieure à celle de Hutuktu. À l'époque où nous étions dans le Tibet, il s'était élevé une grande lutte entre le Hutuktu de Xiamdo et le Chakchuba de Jaya. Ce dernier, jeune lama audacieux et entreprenant, s'était déclaré Hutuktu en vertu d'un vieux diplôme qui lui aurait été accordé dans une de ses vies intérieures par le Dalai Lama. Il voulait en conséquence faire valoir ses droits à la suprématie et réclamait le siège de Xiamdo avec le gouvernement de la province de Kham. Le Hutuktu de Xiamdo, lama d'un âge très avancé, ne voulait pas se démettre de son autorité et alléguait de son côté des titres authentiques envoyés par la cour de Pékin et ratifié par le grand lama de Lhasa. Toutes les tribus et toutes les lamaseries de la province étaient entrées dans cette querelle et avaient pris parti les unes pour le jeune, les autres pour le vieux Hutuktu. Après de longues et inutiles contestations, soit écrites, soit verbales, on en vint aux armes, et pendant une année entière, ces peuplades sauvages et fanatiques se livrèrent de sanglantes batailles. Des villages entiers furent détruits et leurs habitants taillés en pièces. Dans leur épouvantable fureur, ces farouches combattants portèrent partout le ravage. Ils poursuivaient dans les déserts, à coups de flèches et de fusils, les troupeaux de chèvres et de bœufs à longs poils. Et dans ces courses de destruction, ils ne manquaient jamais d'incendier les forêts qu'ils rencontraient sur leur passage. Quand nous arrivâmes à Tsiamdo, la guerre avait cessé depuis quelques jours et on avait consenti à une trêve dans l'espoir de réconcilier les deux parties. Des négociateurs tibétains et chinois avaient été envoyés conjointement par le Dalai Lama et par l'ambassadeur Kichon. Le jeune Hutuktu de Jaya avait été appelé à cette espèce de congrès et de crainte de trahison, il s'y était rendu avec une formidable escorte de ses plus braves partisans. Plusieurs conférences avaient eu lieu, sans produire aucun résultat satisfaisant. Ni l'un ni l'autre des deux prétendants ne voulait rien céder de ses prétentions. Les parties étaient irréconciliables, et tout faisait présager que la guerre allait bientôt recommencer avec un nouvel acharnement. Il nous parut que le parti du jeune Hutuktu avait toutes les chances de triomphe parce qu'il était le plus national et par conséquent le plus populaire et le plus fort. Ce n'est pas que son titre fût au fond plus authentique et valut mieux que celui de son compétiteur, mais il était facile de voir que le vieux Hutuktu de Tsiamdo froissait la fierté de ses tribus en réclamant l'arbitrage des Chinois et en s'appuyant sur la protection du gouvernement de Pékin. Toute intervention étrangère est odieuse et détestée. Cela est vrai, non seulement en Europe, mais encore parmi les montagnards du Tibet et partout où il existe des peuples qui ont quelques soucis de leur indépendance et de leur dignité. Notre séjour à Tsiamdo ne se ressentit en rien de cet état d'irritation et de colère dans lequel se trouvaient tous les esprits. Nous fûmes traités avec ces témoignages d'attention et de bienveillance que nous avions partout rencontrés sur notre route depuis notre départ de Lhasa. Le vieux et le jeune Hutuktu nous envoyèrent l'un et l'autre une écharpe de félicité avec une bonne provision de beurre et des quartiers de mouton. Nous nous arrêtâmes à Tsiamdo pendant 3 jours, car notre conducteur, le pacificateur des royaumes, avait un besoin urgent de repos. Les fatigues de cette pénible route avaient sensiblement altéré sa santé. Ses jambes s'étaient tellement enflées qu'il ne pouvait plus monter à cheval ni en descendre sans le secours de plusieurs personnes. Les médecins et les sorciers de Tsiamdo que l'on consulta donnèrent des réponses dont le sens le plus clair était que, si cette maladie diminuait, cela ne serait pas grand-chose, mais que si elle empirait, cela pourrait devenir sérieux. Les gens les plus raisonnables conseillaient à Li Kuangang de continuer sa route en palanquin. Un mandarin chinois du lieu voulait lui vendre le sien et lui procurer des porteurs. Ce parti était, sans contredit, plein de prudence, mais l'avarice se mit en travers et le malade protesta qu'il se fatiguerait bien davantage en palanquin qu'à cheval. À la maladie de Li Kuangang était venue encore se joindre une autre cause de retard. Une caravane chinoise partie de Lhasa quelques jours après nous était parvenue à Tsiamdo le soir même de notre arrivée. Cette caravane se composait d'un Liang Tai ou fournisseur de vivres, de son fils jeune homme de 18 ans et d'une nombreuse suite de soldats et de domestiques. Nous voulûmes les laisser passer devant, car en voyageant ensemble il eût été à craindre de ne pas trouver des logements et des oulas suffisants pour une aussi grande multitude. Le Liang Tai et son fils allaient en palanquin. Cependant, malgré toutes les commodités de ce moyen de transport, ces deux illustres voyageurs étaient tellement exténués de fatigue et découragés qu'on doutait généralement qu'ils eussent assez de force et d'énergie pour arriver en Chine. Les mandarins lettrés étant accoutumés à mener une vie molle et aisée sont d'ordinaire peu propres à supporter les innombrables misères de la route du Tibet. Parmi ceux qu'on y envoie remplir les divers postes de fournisseurs, il en est peu qui aient le bonheur de revoir leur patrie. Le jour de notre départ, le vieux Hutuktu de Tsiamdo nous envoya une escorte de 4 cavaliers tibétains pour protéger notre marche jusque chez le Chakchuba de Jaya. En sortant de la ville, nous passâmes sur un magnifique pont entièrement construit avec des grands troncs de sapin, et nous joignîmes la route du Sichuan, qui serpente sur les flancs d'une haute montagne, au pied de laquelle coule avec rapidité la rivière Zhachu. Après une vingtaine de lis, nous rencontrâmes, à un détour de la montagne, dans une gorge profonde et resserrée, une toute petite troupe de voyageurs qui présentait un tableau plein de poésie. La marche était ouverte par une femme tibétaine, à califourchon sur un grand âne, et portant un tout jeune enfant solidement attaché sur son dos avec de larges lanières en cuir. Elle traînait après elle, par un long licou, un cheval batté et chargé de deux caisses oblongues qui pendaient symétriquement sur ses flancs. Ces deux caisses servaient de logement à deux enfants dont on apercevait les figures rieuses et épanouies, étroitement encadrées dans de petites fenêtres. La différence d'âge de ces enfants paraissait peu notable. Cependant, il fallait qu'ils ne fussent pas tous les deux de la même pesanteur, car pour établir entre eux un juste équilibre, on avait été obligé de ficeler un gros caillou au flanc de l'une de ces caisses. Derrière le cheval, chargé des boîtes à enfants, suivait à pas lents un cavalier qu'à son costume on pouvait facilement reconnaître pour un soldat chinois en retraite. Il avait en croupe un garçon d'une douzaine d'années. Enfin, un énorme chien à poils roux, au regard oblique et d'une allure pleine de mauvaise humeur, fermait la marche de cette singulière caravane qui se joignit à nous et profita de notre compagnie pour aller jusqu'à la province du Sichuan. Ce chinois était un ancien soldat de la garnison de Tsiamdo. Ayant rempli les 3 années de service fixées par la loi, il avait obtenu le privilège de rester dans le Tibet pour se livrer au commerce. Il s'y était marié, et après avoir amassé une petite fortune, il s'en retournait dans sa patrie avec toute sa famille. Nous ne pûmes nous empêcher d'admirer le courage, l'énergie et le dévouement de ce brave chinois, si différent de ses égoïstes compatriotes, qui ne se font pas le moindre scrupule d'abandonner femmes et enfants dans les pays étrangers. Il avait à braver non seulement les dangers et les fatigues d'une longue route, mais encore les railleries de ceux qui n'avaient pas le cœur d'imiter son bel exemple. Les soldats de notre escorte ne tardèrent pas, en effet, à le tourner en ridicule. « Cet homme, disait-il, a évidemment une cervelle moisie. Rapporter de chez les peuples étrangers de l'argent et des marchandises, voilà qui est raisonnable. Mais emmener dans la nation centrale une femme à grands pieds et tous ces petits barbares, c'est ce qui est contraire à tous les usages. Est-ce que cet homme aurait encore envie d'amasser de l'argent en faisant voir ces bêtes du Tibet ?» Plus d'une fois, des propos de ce genre vinrent exciter notre indignation. Nous nous fîmes toujours un devoir de prendre parti pour ce brave père de famille, de louer sa belle conduite et de réprouver hautement la barbarie et l'immoralité des usages chinois. Peu de temps après que nous eûmes admis dans notre caravane la petite et intéressante troupe de Tsiamdo, nous laissâmes sur notre droite la rivière Zhachu et nous franchîmes une montagne couverte de grands arbres et d'énormes rochers enveloppés de larges plaques de lichen. Nous rejoignîmes ensuite la rivière, nous la côtoyâmes sur un sentier scabreux pendant quelques lis, et nous arrivâmes à Mengpu. Nous n'avions fait guère plus de 8 lieues, mais nous étions brisés de fatigue. Les 3 jours de repos que nous avions pris à Tsiamdo nous ayant fait perdre un peu l'habitude du cheval, nous n'avions pu qu'à grand-peine remettre nos jambes au pli. Mengpu est une réunion de 7 à 8 maisonnettes construites en pierre brute, dans un large et profond ravin. Le lendemain, nous voyageâmes sur la crête d'une haute montagne, étant continuellement obligés de monter et de descendre pour aller d'un mamelon à un autre. Dans cette route, nous dûmes fréquemment franchir des précipices sur des ponts de bois qui, selon l'expression de l'itinéraire chinois, sont suspendus dans la région des nuages. Après 60 lis de marche, nous arrivâmes à Pao Tun, où nous changeâmes les houlas et où nous commençâmes à trouver les Tibétains moins souples et moins maniables que de l'autre côté de Tsiamdo. Leur œil devenait plus altier et leur manière plus brusque. Par contre-coup, les Chinois de la caravane se faisaient plus humbles, moins exigeants, et s'abstenaient prudemment de parler à l'impératif. De Pao Tun à Bagung, on ne rencontre continuellement pendant 10 lieues que des montagnes calcaires, entièrement nues et décharnées. On n'y voit ni arbres, ni herbes, pas même des mousses. Dans le bas, on remarque seulement dans les fissures des rochers quelques saxifrages pleines de vigueur et qui semblent protester contre cette désolante stérilité. Une de ces montagnes, que les Chinois nomment Kulungchan, c'est-à-dire montagne trouée, présente un aspect extrêmement bizarre. On y voit un nombre considérable de trous et de cavités, d'une grande variété de formes et de grandeurs. Il y a de ces ouvertures qui ressemblent à d'immenses portraits. Les plus petites ont la forme de cloches et de lucarnes rondes et ovales. La montagne étant taillée à pic, nous ne pûmes aller visiter ces cavernes. Cependant, nous les approchâmes d'assez près pour pouvoir juger qu'elles sont toutes d'une profondeur considérable. Ces nombreuses cavités, résultant probablement d'anciennes éruptions volcaniques, sont attribuées par les Chinois au Kuei ou mauvais génie. Les Tibétains, au contraire, prétendent qu'elles ont été creusées par les esprits tutélaires de la contrée, que dans l'Antiquité, les lamas d'une grande sainteté en ont fait leur retraite, qu'ils s'y sont transformés en Bouddha, et qu'à certaines époques de l'année, on entend encore résonner dans l'intérieur de la montagne le murmure des prières lamaïques. Dans le Tibet, nous n'avions presque jamais rencontré sur notre route que des montagnes de nature granitique, toujours remarquables par ces amas d'énormes pierres entassées les unes sur les autres, affectant ordinairement une forme d'origine quadrangulaire, mais grossièrement arrondies sur les angles par l'action incessante du vent et de la pluie. Ces grandes masses calcaires, que nous aperçûmes sur la route de Bagong, ne pouvaient manquer de fixer notre attention. Le pays, en effet, commençait à changer totalement d'aspect. Pendant plus de 15 jours, nous ne cessâmes de voir des montagnes calcaires, donnant un marbre aussi blanc que la neige, à grains fins et très serrés. Les bergers de ces contrées sont dans l'usage d'en extraire de grandes dalles, sur lesquelles ils gravent l'image de Bouddha, ou la formule « Om Mani Padme Hum » et qu'ils exposent ensuite sur les bords des chemins. Ces gravures restent un nombre considérable d'années sans se déformer le moins du monde, car ce marbre ayant une grande quantité de silex intimement mélangé au carbonate de chaux, il est d'une dureté extrême. Avant d'arriver à Bagong, nous eûmes, pendant 4 ou 5 lis, un chemin continuellement bordé à droite et à gauche par deux lignes non interrompues de ces inscriptions bouddhiques. Nous rencontrâmes même plusieurs lamas occupés à graver des manis sur des plaques de marbre. Nous arrivâmes au petit village de Bagong peu de temps avant la nuit. Nous allâmes mettre pied à terre au corps de garde chinois, composé de quelques maisonnettes construites en magnifiques fragments de marbre blanc, cimentés avec de la boue ou de la bouse de vache. Aussitôt que nous fûmes arrivés, on nous annonça la mort du Liang Tai, nommé Pei, qui nous avait atteint à Tsiamdo. Il y avait 2 jours que sa caravane était passée à Bagong. Étant parvenu au corps de garde, les porteurs du mandarin, après avoir déposé le palanquin, en ouvrirent les rideaux selon l'usage pour inviter son Excellence à vouloir bien entrer dans l'appartement qu'on lui avait préparé. Mais dans le palanquin, il n'y avait plus qu'un cadavre. Selon les usages chinois, le fils du défunt ne pouvait laisser le corps de son père sur une terre étrangère. Il devait le conduire dans sa famille pour le déposer dans la sépulture des ancêtres. Or, nous étions encore au cœur du Tibet, et la famille du mandarin Pei se trouvait dans la province du Zhejiang, tout à fait à l'extrémité de la Chine. La route, comme on voit, était longue et difficile. Cependant, il n'y avait pas à balancer, la piété filiale devait aplanir tous les obstacles. Un cercueil tout préparé se trouva, par hasard, au corps de garde. Le fils du mandarin l'acheta très chèrement aux soldats. Il y déposa les restes de son père. On adapta au cercueil les brancards du palanquin, et les porteurs, moyennant un supplément de salaire, consentirent à porter jusqu'aux frontières de Chine un mort au lieu d'un vivant. La caravane avait quitté Bagong la veille de notre arrivée. La nouvelle de cette mort étonna et frappa tout le monde. Li Kuangang, surtout, qui était dans un état bien peu rassurant, en fut épouvanté. La peur qu'il en eut l'empêcha de souper. Mais dans la soirée, une pensée vint le distraire de ces tristes pensées de la mort. Le chef du village tibétain se rendit au corps de garde pour annoncer aux voyageurs qu'il avait été arrêté dans le pays, que désormais on ne fournirait plus les oulas gratuitement, que pour un cheval on payerait 1 once d'argent et pour un yak 1/2 once. La caravane qui est partie hier, ajouta-t-il, a été obligée d'en passer par là. Pour bien nous prouver ensuite que ce règlement ne supportait aucune discussion, il nous tira brusquement la langue et s'en alla. Un manifeste si clair et si précis fut pour le pacificateur des royaumes un véritable coup de foudre. Il oublia complètement la mort si mélancolique du pauvre Liang Tai pour ne plus s'occuper que de l'effroyable catastrophe qui allait fondre sur sa bourse. Nous participâmes charitablement à sa douleur et nous essayâmes de notre mieux de conformer nos paroles à ses sombres pensées. Mais au fond, la chose nous était parfaitement indifférente. Si l'on refusait de nous fournir les moyens de continuer notre route, nous n'avions qu'à rester dans le Tibet. Ce qui, au bout du compte, n'était pas pour nous un parti extrêmement difficile à prendre. En attendant, nous allâmes nous coucher et nous laissâmes les gens de l'escorte s'occuper de politique et d'économie sociale. Le lendemain, quand nous nous levâmes, il n'y avait dans la cour du corps de garde ni bœufs ni chevaux. Li Kuangang était plongé dans une profonde désolation. « Aurons-nous des oulas ?» lui demandâmes-nous. « Partirons-nous aujourd'hui ?»« Ces hommes sauvages, » nous répondit-il, « n'entendent pas la raison. Ils ne comprennent pas le mérite de l'obéissance. J'ai pris le parti de m'adresser à Prul Tamba. Je lui ai envoyé une députation. Il y a longtemps que je le connais, et j'espère qu'il nous fera avoir des oulas. » Ce Prul Tamba était un personnage dont nous avions déjà beaucoup entendu parler. Il était à la tête du parti du jeune Chak Chuba de Jaya et par conséquent l'ennemi déclaré de l'influence chinoise. Il était, disait-on, aussi instruit que les lamas les plus savants de Lhasa. Personne ne l'avait jamais égalé en bravoure, jamais dans les combats il n'avait éprouvé de défaite. Aussi, parmi toutes les tribus de la province de Kham, son nom seul était une puissance et agissait comme un talisman sur l'esprit de la multitude. Prul Tamba était en quelque sorte l'Abdelkader de ces rudes montagnards. La demeure de Prul Tamba n'était guère éloignée de Bagung que de 5 ou 6 lis. La députation qu'on y avait envoyée fut bientôt de retour et annonça que le grand chef allait lui-même venir. Cette nouvelle inattendue mit tout en émoi au village tibétain et au corps de garde chinois. On se disait avec empressement « Le grand chef va venir. Nous allons voir le grand chef. » Li Kuanga se hâta de mettre ses beaux habits, de chausser ses bottes en soie et de se coiffer de son bonnet de cérémonie. Les soldats chinois firent aussi de leur mieux un peu de toilette. Pendant que les Tibétains se rendaient en courant au-devant de leur chef, Li Kuangang choisit dans ses malles un magnifique kata ou écharpe de félicité et alla se poster sur le seuil de la porte pour recevoir le fameux Prul Tamba. Quant à nous, le rôle qui nous convenait le mieux en cette circonstance, c'était de nous livrer tranquillement à l'étude des physionomies qui nous entouraient. La plus intéressante à observer était, sans contredit, celle du pacificateur des royaumes. Il était curieux de voir ce mandarin chinois, ordinairement si plein de morgue et d'insolence en présence des Tibétains, devenu tout à coup humble et modeste en attendant avec tremblement l'arrivée d'un homme qu'il croyait fort et puissant. Enfin, le grand chef parut. Il était à cheval et escorté de 4 cavaliers d'honneur. Aussitôt que tous eurent mis pied à terre, le pacificateur des royaumes s'approcha, fit une profonde inclination et offrit son écharpe à Prul Tamba. Celui-ci fit signe à un de ses hommes de recevoir l'offrande, et sans rien dire, il traversa brusquement la cour et alla droit à la chambre préparée pour la réception et où nous attendions avec le lama Chiamchang. Prul Tamba nous fit une toute petite inclination de tête et s'assit sans façon à la place d'honneur sur un grand tapis de feutre gris. Li Kuangang se plaça à sa gauche, le lama Chiamchang à droite, et nous sur le devant. Il y avait entre nous 5 une si respectueuse distance que nous formions comme un grand cercle. Des soldats chinois et une foule de Tibétains se tenaient debout derrière l'assemblée. Il y eut un moment d'un silence profond. Le grand chef Prul Tamba était âgé tout au plus d'une 40aine d'années. Il était de taille moyenne. Pour tout vêtement, il portait une grande robe en soie verte, doublée d'une belle fourrure en peau de loup et serrée aux reins par une ceinture rouge. De grosses bottes en cuir violet, un effrayant bonnet en peau de renard et un long et large sabre passé horizontalement dans la ceinture complétaient son costume. De longs cheveux d'un noir d'ébène qui descendaient sur ses épaules donnaient à sa pâle et maigre figure une grande expression d'énergie. Les yeux étaient sur tout ce qu'il y avait de plus remarquable dans la physionomie de cet homme. Ils étaient larges, flamboyants, et respiraient un courage et une fierté indomptables. Dans toute son allure, d'ailleurs, Prul Tamba dénotait un homme vraiment supérieur et né pour commander à ses semblables. Après nous avoir regardés attentivement les uns après les autres, en tenant ses mains appuyées sur les 2 extrémités de son sabre, il tira de son sein un paquet de petits katas et nous en fit distribuer un à chacun par un de ses hommes. Se tournant ensuite vers Li Kuangang, « Ah, te voilà revenu !» lui dit-il, d'une voix qui résonnait comme une cloche. « Si l'on ne m'avait annoncé ce matin que c'était toi, je ne t'aurais pas reconnu, comme tu as vieilli depuis ton dernier passage à Bagong. » Oui, tu as raison, répondit le pacificateur des royaumes, d'une voix paplarde et mielleuse, et en se traînant sur le tapis de feutre pour se rapprocher de son interlocuteur. « Oui, tu as raison, je suis bien caduc. Mais toi, te voilà plus vigoureux que jamais. » « Nous vivons dans des circonstances où j'ai besoin d'être vigoureux. Il n'y a plus de paix dans nos montagnes. »« C'est vrai. J'ai appris là-bas que vous aviez eu ici, entre vous, une petite contestation. » « Voilà plus d'un an que les tribus de Kham se font une guerre acharnée. Et tu appelles cela une petite contestation ?» Tu n'auras qu'à ouvrir tes yeux sur ta route et tu verras de toutes parts des villages en ruines et des forêts incendiées. Dans quelques jours, nous serons obligés de mettre de nouveau la main à l'œuvre, car personne ne veut entendre les paroles de paix. Cette guerre eût pu être terminée par quelques combats, mais depuis que vous autres Chinois vous avez voulu vous mêler de nos affaires, les parties sont devenues irréconciliables. Oh, vous autres mandarins chinois, vous n'êtes bons qu'à porter dans nos contrées le désordre et la confusion. Cela ne peut pas durer de la sorte. On vous a laissé faire pendant longtemps, et maintenant votre audace n'a plus de bornes. Je ne puis, sans frémir de tous mes membres, penser à cette affaire du nommé Khan de Lhasa. On prétend que le nommé Khan a commis de grands crimes. Cela n'est pas vrai. Ces grands crimes, c'est vous autres qui les avez inventés. Le nommé Khan est un saint, c'est un Bouddha vivant. Qui avait jamais entendu dire qu'un Bouddha vivant peut être jugé et envoyé en exil par Kichon, un Chinois, un homme noir ? « L'ordre est venu du grand empereur, » répondit Li Kuangang d'une voix basse et tremblante. « Ton grand empereur ?» s'écria Prul Tamba, en se tournant avec emportement vers son interrupteur. « Ton grand empereur n'est non plus qu'un homme noir. Qu'est-ce que c'est que ton empereur à côté d'un grand lama, d'un Bouddha vivant ?» Le grand chef de la province de Kham invectiva longtemps contre la domination des Chinois dans le Tibet. Il attaqua tour à tour l'empereur, le vice-roi du Sichuan et les ambassadeurs de Lhasa. Dans toutes ses énergiques philippiques, il faisait sans cesse revenir l'affaire du nommé Khan. On voyait qu'il s'intéressait vivement au sort de ce grand lama, qu'il regardait comme une victime de la cour de Pékin. Le pacificateur des royaumes se garda bien de faire de l'opposition. Il fit semblant de partager les sentiments de Prul Tamba et s'empressa d'accueillir toutes ses paroles par de petites inclinations de tête. Enfin, il se hasarda à lâcher quelques mots touchant le départ et les oulas. Les oulas ! Répondit Prul Tamba. Désormais, il n'y en aura plus pour les Chinois, à moins qu'ils ne consentent à les payer convenablement. C'est bien assez que nous laissions des Chinois pénétrer dans nos pays, sans que nous ayons encore la sottise de leur fournir gratuitement des oulas. Cependant, comme je te connais depuis longtemps, on fera aujourd'hui une exception pour ta caravane. Tu conduis d'ailleurs deux lamas du ciel d'Occident, qui m'ont été recommandés par le premier Kalon de Lhasa, et qui ont droit à mes services. « Où est le débat de Bagong ? » Qu'il avance. L'individu qui, la veille, était venu nous dire « Point d'argent, point de houla » se présenta. Il posa un genou en terre devant le grand chef et lui tira respectueusement la langue. « Qu'on conduise les houlas à l'instant !» s'écria Prul Tamba, « et que tout le monde fasse son devoir !» Les Tibétains qui se trouvaient dans la cour du corps de garde poussèrent tous ensemble une grande exclamation et se rendirent en courant au village voisin. Prul Tamba se leva, et après nous avoir invités à aller prendre le thé dans sa maison qui se trouvait sur notre route, il sauta à cheval et s'en retourna au grand galop. Les oulas ne tardèrent point à arriver, et la caravane se trouva bientôt organisée comme par enchantement. Après une demi-heure de marche, nous arrivâmes à la demeure du grand chef. C'était une maison haute, vaste, et assez semblable à un château fort du temps de la féodalité. Un large canal, bordé de grands arbres, en faisait le tour. Un pont-levis s'abaissa devant nous. Nous mîmes pied à terre pour le traverser, et nous arrivâmes, par un immense portail, dans une cour carrée où on nous attendait le seigneur Prul Tamba. On attacha les chevaux à des poteaux plantés au milieu de la cour, et nous fûmes introduits dans une vaste salle qui paraissait tenir lieu de temple domestique. Les énormes poutres qui soutenaient la toiture étaient entièrement dorées. Les murs étaient tapissés de nombreuses banderoles de diverses couleurs et chargées d'inscriptions tibétaines. Enfin, au fond de la salle, on voyait trois statues colossales de Bouddha, devant lesquelles étaient placées de grandes lampes à beurre et des cassolettes pour les parfums. Dans un angle du temple, on avait disposé une table basse avec quatre épais coussins doublés en peau rouge. Prul Tamba nous invita gracieusement à prendre place, et aussitôt que nous fûmes accroupis, parut la châtelaine en grand costume, c'est-à-dire avec sa figure horriblement barbouillée de noir et ayant ses nombreuses tresses de cheveux ornées de paillettes, de grains de corail rouge et de petits disques en nacre. De la main droite, elle tenait, par son anse, une majestueuse cruchatée dont le large ventre posait sur son bras gauche. Chacun présenta son écuelle, qui fut à l'instant remplie d'une bonne rasade de thé, à la surface duquel flottait une épaisse couche de beurre. C'était un thé de première qualité. Pendant que nous dégustions par petits coups ce brûlant liquide, la châtelaine reparut, portant deux plats en bois doré, chargés l'un de raisins secs et l'autre de noix. « Voilà des fruits de notre pays, » nous dit Proultamba. « Ils viennent dans une belle vallée qui est peu éloignée d'ici. Dans le ciel d'Occident, y a-t-il des fruits de cette espèce ?»« Oui, beaucoup. Oh, tu ne saurais croire tout le bien que tu nous fais en nous présentant de ces fruits, car ils nous rappellent notre patrie. » Et en disant ces mots, nous puisâmes au plat doré une pincée de raisin. Malheureusement, il n'était remarquable que par une peau âpre et coriace et par une foule de grains qui craquaient sous la dent comme du gravier. Nous tournâmes nos regards vers les noix, qui étaient d'une magnifique grosseur. Mais, nouvelle déception, la pulpe se trouvait si solidement enchâssée dans ces durs compartiments que nous eûmes toutes les peines du monde à en extraire quelques parcelles avec l'extrémité de nos ongles. Nous retournâmes aux raisins secs, puis nous revînmes aux noix, nous promenant ainsi tour à tour d'un plat à l'autre, cherchant toujours, mais toujours vainement, de quoi calmer un peu les récriminations de notre estomac. Nous commencions à être convaincus que Madame Proultamba avait voulu nous jouer une mauvaise plaisanterie, lorsque nous vîmes apparaître deux vigoureux tibétains portant une nouvelle table, sur laquelle s'élevait un chevreau tout entier, surmonté d'une superbe cuisse de cerf. Cette apparition inattendue nous fit tressaillir, et un sourire involontaire dut annoncer à notre amphitryon combien son second service était accueilli favorablement. On enleva les pots de raisin et les coques de noix, la bière tibétaine remplaça le thé beurré, et nous nous mîmes à l'œuvre avec une incomparable énergie. Quand nous eûmes glorieusement triomphé de ce repas homérique, nous offrîmes au grand chef une écharpe de félicité et nous remontâmes à cheval. Non loin du château féodal du fameux Proultamba, nous rencontrâmes sur notre route une montagne calcaire ayant à son sommet de grandes ouvertures et portant sur ses flancs escarpés de nombreuses sentences bouddhiques gravées en caractères gigantesques. Tous les Tibétains de la caravane s'arrêtèrent et se prosternèrent trois fois la face contre terre. Cette montagne servait de retraite à un lama contemplatif pour lequel toutes les tribus de la province de Kham avaient une vénération profonde. D'après les récits des gens du pays, ce saint lama s'était retiré depuis 22 ans dans une des cavernes de la montagne. Depuis lors, il était constamment resté sans en sortir une seule fois, passant les jours et les nuits dans la prière et la contemplation des 10 000 vertus de Bouddha. Il n'était permis à personne d'aller le visiter. Cependant, tous les 3 ans, il donnait une grande audience de 8 jours, et pendant ce temps, les dévots pouvaient se présenter librement dans sa cellule pour le consulter sur les choses passées, présentes et futures. Alors, les grosses offrandes ne manquaient jamais d'affluer de toutes parts, mais le saint lama ne gardait rien pour lui. Il avait l'habitude de faire tout distribuer aux pauvres de la contrée. Qu'avait-il besoin d'ailleurs des richesses et des biens de ce monde? Sa cellule, creusée dans la roche vive, ne réclamait jamais la moindre réparation. Sa robe jaune, doublée de peau de mouton, lui allait à toutes les saisons. Tous les 6 jours seulement, il prenait un repas composé d'un peu de thé et de farine d'orge, que les personnes charitables du voisinage lui faisaient passer par le moyen d'une longue corde qui descendait du haut de la grotte jusqu'au pied de la montagne. Quelques lamas s'étaient placés sous la conduite de cet ermite et avaient résolu de suivre son genre de vie. Ils habitaient des cellules creusées aux environs de celles de leur maître. Le plus célèbre de ses disciples était le père du grand Proultamba. Il avait été lui aussi guerrier illustre et n'avait jamais cessé d'être à la tête des peuples de ses contrées. Étant parvenu à un âge avancé et voyant son fils capable de lui succéder, il lui avait donné le titre de grand chef. S'étant ensuite rasé la tête et ayant endossé l'habit sacré des lamas, il s'était retiré dans la solitude, laissant à des bras plus jeunes et plus vigoureux la charge de terminer la lutte qui s'était engagée entre les deux Hutuktu de la province de Kham. Le soleil n'était pas encore couché lorsque nous arrivâmes au poste de Wangtsa éloigné de Bagung d'une cinquantaine de lis. Wangsa est un petit village aligné au pied d'une colline de terre noire, où croissent de grandes touffes de houx et de cyprès. Les maisons, bâties avec cette terre noire, donnent au village un aspect extrêmement sombre et funèbre. À Wangsa, nous commençâmes à remarquer les traces de la guerre civile qui désolait ces contrées. Le corps de garde chinois, construit en grosses planches de sapin, avait été complètement brûlé. Les nombreux débris à moitié charbonnés qu'on rencontrait encore çà et là nous servirent à faire pendant toute la soirée un feu magnifique. Le lendemain, aussitôt que nous nous mîmes en route, nous remarquâmes dans la caravane un singulier changement. Les chevaux et les bœufs étaient bien encore ceux que nous avions pris à Bagung, mais tous les conducteurs tibétains avaient disparu, il n'en était pas resté un seul. Des femmes de Wangsa les avaient remplacés. Ayant demandé la cause de cette nouvelle et surprenante organisation, « Aujourd'hui, nous répondit le lama Cheng Chang, on doit arriver à Gaya. C'est un village ennemi. Si les hommes y allaient, on ne pourrait s'empêcher de se battre, et les habitants de Gaya s'empareraient des animaux de la caravane. Les oulas étant conduits par des femmes, il n'y a rien à craindre. Des hommes qui auraient la lâcheté de se battre contre des femmes et de prendre les animaux confiés à leur garde seraient méprisés de tout le monde. Tels sont les usages de ces contrées. » Nous ne fûmes pas peu surpris de rencontrer, parmi ces sauvages montagnes du Tibet, des habitudes et des sentiments si conformes aux mœurs de notre patrie. C'était de la pure chevalerie française. Nous étions donc quelque peu impatients de voir de quelle façon courtoise et galante les dames de Wangsa seraient accueillies par les gentilshommes de Gaya. Après avoir franchi une grande montagne, couverte de gros quartiers de rochers, à moitié ensevelie dans de vieilles couches de neige, nous entrâmes dans une vallée entièrement livrée à la culture et dont la température était assez douce. On apercevait de loin, dans un enfoncement, les maisons de Gaya. Elles étaient hautes, flanquées de tours d'observation et assez semblables à des châteaux forts. Lorsque nous fûmes à quelques centaines de pas de ce gros village, il en sortit tout à coup un formidable escadron de cavalerie qui se précipita avec impétuosité à l'encontre de la caravane. Tous ces cavaliers armés de fusils en bandoulière et de longues lances paraissaient tout disposés à un coup de main. Cependant, toute leur humeur martiale s'évanouit aussitôt qu'ils s'aperçurent que la troupe était conduite par des femmes. Ils se contentèrent de s'abandonner à de grands éclats de rire et de railler la couardise de leurs ennemis. Quand nous fîmes notre entrée à Gaya, hommes, femmes, enfants, tout le monde était en mouvement. De toutes parts, on poussait des clameurs qui ne nous paraissaient nullement sympathiques. Il n'arriva toutefois aucun accident. Nous allâmes mettre pied à terre dans la cour d'une grande maison à trois étages, et aussitôt que l'on eut descellé les chevaux et déchargé les bœufs à long poil, les dames de Wangsa burent à la hâte une bonne écuellée de thé beurré qu'on eut la courtoisie de leur servir à la ronde, et immédiatement après, elles s'en retournèrent avec leurs oulas. Nous trouvâmes à Gaya un logement assez confortable, mais nous ne savions pas trop à quelles conditions nous en sortirions. L'importante question des oulas préoccupait tout le monde. Personne, cependant, n'eut le courage de la poser franchement, et on alla se coucher en remettant au lendemain les affaires sérieuses. Le jour avait à peine paru que la cour de la maison où nous étions logés se trouva encombrée d'une foule de Tibétains qui étaient venus délibérer sur le mode de taxer notre caravane. Du haut d'un balcon du second étage, nous pûmes jouir à notre aise du singulier spectacle que présentait cette assemblée délibérante. Parmi cette nombreuse multitude, il n'y avait pas un seul individu qui ne fût orateur. Tout le monde parlait à la fois, et en juger par le timbre éclatant des voix et par l'impétueuse animation des gestes, il devait, certes, se prononcer là de bien belles harangues. On voyait des orateurs monter sur les bagages entassés dans la cour et s'en faire des tribunes d'où ils dominaient l'assemblée. Il paraissait quelquefois que l'éloquence de la parole n'était pas suffisante pour porter la conviction dans les esprits, car on en venait au cou, on se prenait aux cheveux, et l'on se battait avec acharnement, jusqu'à ce qu'un tribun influent parvint à rappeler à l'ordre ses honorables confrères. Le calme n'était pas de longue durée. Le tumulte et le désordre recommençaient bientôt avec une intensité qui allait toujours croissant. La chose devint si grave que nous demeurâmes convaincus que ces gens-là ne parviendraient jamais à se mettre d'accord, qu'ils finiraient par tirer leurs sabres de leurs fourreaux et par se massacrer entre eux. En pensant ainsi, nous nous trompions étrangement. Après que l'assemblée eut bien vociféré, hurlé, gesticulé et boxé pendant plus d'une heure, de grands éclats de rire se firent entendre, la séance fut terminée et tout le monde se retira dans le plus grand calme. Deux hommes montèrent aussitôt au deuxième étage où logeait l'état-major de la caravane. Ils annoncèrent à Li Kuangang que les chefs de famille de Gaïa, après avoir délibéré sur l'organisation des oulas, avaient décidé qu'on fournirait gratis des animaux aux deux lamas du ciel d'Occident et aux Tibétains de Lhasa, mais que les Chinois seraient obligés de payer une demi-once d'argent pour un cheval et un quart pour un bœuf à long poil. À cette nouvelle, Li Kuangang ramassa toutes ses forces et se mit à invectiver avec énergie contre ce qu'il appelait une tyrannie, une injustice. Les soldats chinois de la caravane qui étaient présents poussèrent les hauts cris et firent des menaces dans l'intention d'intimider les délégués de l'Assemblée nationale de Gaïa. Mais ceux-ci conservèrent une attitude admirablement fière et dédaigneuse. L'un d'eux fit un pas en avant, posa avec une certaine dignité sauvage sa main droite sur l'épaule de Li Kuangang, et après l'avoir fixé un instant avec ses grands yeux noirs ombragés d'épais sourcils, « Homme de la Chine, lui dit-il, écoute-moi. Crois-tu que, pour un habitant de la vallée de Gaïa, il y a une grande différence entre couper la tête d'un Chinois ou celle d'un chevreau? Dis donc à tes soldats de ne pas faire les méchants et de ne pas proférer de grandes paroles. Est-ce qu'on n'a jamais vu qu'un renard ait pu intimider le terrible yak des montagnes? Les oulas vont arriver à l'instant. Si vous ne les prenez pas, si vous ne partez pas aujourd'hui, demain le prix sera double. » Les Chinois, entrevoyant que la violence ne pourrait conduire qu'à de funestes résultats, eurent recours à la ruse et aux cajoleries, mais tout fut inutile. Li Kuangang n'eut d'autre moyen, pour terminer l'affaire, que d'ouvrir son coffre-fort et de peser la somme demandée. Les oulas ne tardèrent point à arriver, et l'on s'occupa avec activité de l'organisation de la caravane, afin de quitter le plus tôt possible ce village de Gaïa, que les Chinois trouvaient barbare et inhabitable, mais qui nous avait paru à nous extrêmement pittoresque. Ce ne fut qu'une petite course de 30 lis. Les Chinois étaient désespérés d'avoir été forcés de dépenser tant d'argent pour faire si peu de chemin. Mais ils n'étaient encore qu'au début de leur misère, car nous devions rencontrer des tribus tibétaines encore moins traitables que celles de Gaïa. La neige, qui nous avait donné quelques jours de répit depuis notre départ de Tsiamdo, vint de nouveau nous assaillir le soir même de notre arrivée à Angti. Pendant la nuit et le jour suivant, elle tomba en si grande abondance que nous ne pouvions sortir de notre habitation sans en avoir jusqu'aux genoux. Pour comble d'infortune, nous avions à franchir, en quittant Angti, une des montagnes les plus escarpées et les plus dangereuses de cette route. L'itinéraire chinois s'exprimait ainsi. À Angti, on traverse une grande montagne neigeuse. Le chemin est très raide. Les neiges accumulées ressemblent à une vapeur argentée. Le brouillard que la montagne exhale pénètre dans le corps et rend les Chinois malades. Selon une tradition populaire du pays, dans les temps anciens, un chef de la tribu de Angti, guerrier fameux et redouté de tous ses voisins, fut un jour enseveli sous une avalanche pendant qu'il traversait la montagne. Tous les efforts que l'on fit pour retrouver son corps demeurèrent infructueux. Un saint lama de cette époque ayant déclaré que le chef était devenu génie de la montagne, on lui éleva un temple qui subsiste encore, et où les voyageurs ne manquent jamais d'aller brûler quelques bâtons d'odeur avant de se mettre en route. Dans les temps d'orage, quand le vent souffle avec violence, le génie du mont Angti ne manque jamais d'apparaître. Il n'est personne dans le pays qui ne l'ait aperçu plusieurs fois. On le voit toujours monter sur un cheval rouge. Il est revêtu de grands habits blancs et se promène tranquillement sur la crête de la montagne. S'il vient à rencontrer quelques voyageurs, il le prend en croupe et disparaît aussitôt au grand galop. Le cheval rouge étant tellement léger qu'il ne laisse jamais aucune trace même sur la neige, personne jusqu'à ce jour n'a pu découvrir la retraite du cavalier blanc, car c'est ainsi qu'on le nomme dans le pays. Pour notre compte, nous n'étions que médiocrement préoccupés de la rencontre du cheval rouge et du cavalier blanc. Ce que nous redoutions, c'était la montagne. Nous ne pouvions nous empêcher de trembler à la vue de l'effroyable quantité de neige qui était tombée et qui devait rendre la route extrêmement dangereuse. Nous fûmes forcés d'attendre le retour du beau temps et d'envoyer ensuite, comme nous l'avions pratiqué dans de semblables circonstances, quelques troupeaux de bœufs à long poil pour fouler la neige et tracer un sentier sur la montagne. Nous demeurâmes 5 jours à Angti. Li Kuangang mit à profit cette longue halte pour soigner la maladie de ses jambes, qui de jour en jour prenait un caractère plus alarmant. La question des oulas fut longuement débattue dans plusieurs assemblées, et résolue enfin de la même manière qu'à Gaïa, ce qui ne manqua pas de vexer beaucoup les Chinois et de leur arracher de grandes clameurs. Ce que nous trouvâmes de plus remarquable à Angti, ce fut sans contredit le débat au chef de la tribu. Ce personnage, nommé Bomba, était tout au plus de 3 pieds. Le sabre qu'il portait à la ceinture avait pour le moins 2 fois la longueur de sa taille. Malgré cela, cet homme avait un buste magnifique et surtout une figure large, énergique et d'une belle régularité. L'exiguïté de sa taille provenait d'un complet avortement des jambes, sans que pourtant ses pieds présentassent aucune difformité. Ce manque presque total de jambes n'empêchait pas le chef de la tribu d'Angti d'être d'une activité surprenante. On le voyait sans cesse aller et venir, avec autant d'agilité que les plus ingambes. Il ne pouvait pas, à la vérité, faire de grands pas. Mais il y suppléait par la rapidité de ses mouvements. À force de rouler à droite et à gauche, de bondir et de rebondir, il arrivait toujours aussitôt que les autres. Il était, disait-on, le plus habile cavalier et le guerrier le plus intrépide de la tribu. Quand on l'avait une fois hissé sur son cheval, où il se tenait en même temps debout et assis, il était invincible. Dans les assemblées populaires, que les montagnards de ces contrées ont coutume de tenir fréquemment et toujours en plein air pour traiter toutes les questions d'intérêt public et privé, le chef Bomba se faisait toujours remarquer par l'ascendant de son éloquence et de son caractère. Quand on débattait à Angti la taxe des oulas, on ne voyait, on n'entendait que l'étonnant Bomba. Perché sur les épaules d'un gros et grand montagnard, il parcourait comme un géant l'assemblée tumultueuse et la dominait par sa parole et par son geste, encore plus que par sa stature gigantesque. Le chef d'Angti ne laissa passer aucune occasion de nous donner des témoignages particuliers de bienveillance et de sympathie. Un jour, il nous invita à dîner chez lui. Cette invitation avait le double but d'exercer d'abord à notre égard un devoir d'hospitalité, et en second lieu de piquer la jalousie des Chinois qu'il détestait et méprisait de toute son âme. Après le dîner, qui n'offrit de remarquable qu'une grande profusion de viande crue et bouillie, et un thé richement saturé de beurre, il nous fit visiter une salle remplie de tableaux et d'armures de toutes pièces. Les tableaux qui tapissaient les murs étaient des portraits grossièrement coloriés, représentant les plus illustres ancêtres de la famille des Bomba. On y voyait une nombreuse collection de lamas de tout âge et de toute dignité, et quelques guerriers en costume de bataille. Les armes étaient nombreuses et d'une grande variété. Il y avait des lances, des flèches, des sabres à 2 tranchants, en spirale et en forme de scie, des tridents, de longs bâtons armés de grosses boucles de fer, et des fusils à mèche dont les culasses affectaient les formes les plus bizarres. Les armes défensives étaient des boucliers ronds en cuir de yak sauvage et garnis de clous en cuivre rouge. Des brassards et des cuissards en lamé de cuivre et des camisoles en fil de fer, d'un tissu épais et serré, et conservant malgré cela beaucoup d'élasticité. Le chef Bomba nous dit que ces camisoles étaient des armures des temps anciens, qu'on les avait laissées de côté depuis que l'usage du fusil était devenu général dans leur contrée. Les Tibétains, comme nous l'avons dit, sont trop indifférents en matière de chronologie pour qu'ils puissent assigner l'époque où ils ont commencé à se servir des armes à feu. Il est présumable pourtant qu'ils n'auront connu la poudre à canon que vers le XIIIe siècle, du temps des guerres de Chinggis Khan qui avaient commencé de l'artillerie dans ces armées. Une chose assez remarquable, c'est que parmi les montagnes du Tibet, aussi bien que dans l'Empire chinois et dans les steppes de la Tartarie, il n'est personne qui ne sache fabriquer la poudre. Chaque famille en fait pour son usage. En traversant la province de Kham, nous avons souvent remarqué des femmes et des enfants activement occupés à broyer le charbon, le soufre et le salpêtre. La poudre de ces peuples ne vaut certainement pas celle d'Europe. Cependant, quand on en met dans un canon de fusil avec une balle par-dessus, il y a assez de force pour pousser la balle et l'envoyer tuer des cerfs à la chasse et des hommes à la guerre. Après 5 jours de repos, nous reprîmes notre route. Tout en partant, la caravane se mit à gravir la haute montagne d'Angti. Nous ne rencontrâmes ni cheval rouge ni cavalier blanc. Aucun génie ne nous prit en croupe pour nous emmener dans sa solitude. De tous côtés, nous ne vîmes que de la neige, mais une neige si abondante que nulle part, même sur les montagnes les plus fameuses, nous n'en avions jamais trouvé une quantité si effroyable. Souvent les guides, montés sur des bœufs à longs poils, disparaissaient entièrement dans des gouffres dont ils ne pouvaient se débarrasser qu'avec de grandes difficultés. Plus d'une fois, nous fûmes sur le point de rebrousser chemin et de renoncer à l'espérance de parvenir au sommet. La petite caravane sinico-tibétaine, qui s'était jointe à nous à Tsiamdo et qui depuis lors ne nous avait jamais abandonnés, présentait un spectacle digne de la plus grande compassion. On oubliait, en quelque sorte, ses propres souffrances, en voyant ces pauvres petites créatures presque à chaque pas enveloppées de neige, et ayant à peine la force de crier et de se lamenter. Nous admirâmes l'intrépidité et l'énergie de cette mère tibétaine, qui savait, pour ainsi dire, se multiplier pour voler au secours de ses nombreux enfants, et qui puisait dans la tendresse maternelle des forces surhumaines. La montagne d'Angti est si haute et si escarpée qu'il nous fallut la journée tout entière pour la gravir et la descendre. Le soleil était déjà couché quand nous achevâmes de rouler au bas. Nous nous arrêtâmes quelques minutes sous des tentes noires habitées par des bergers nomades. Nous avalâmes quelques poignées de tsamba délayées dans du thé salé, et nous nous remîmes en route en suivant une vallée rocailleuse où la neige était totalement fondue. Nous longeâmes pendant 2 heures, dans l'obscurité la plus profonde, les bords escarpés d'une rivière dont nous entendions les eaux sans les voir. À chaque instant, nous tremblions d'y être précipités, mais les animaux, qui avaient l'expérience du chemin et que nous abandonnâmes à leur instinct, nous conduisirent sans accident jusqu'à Jaya. Notre arrivée au milieu de la nuit mit toute la ville en émoi. Les chiens, par leurs aboiements acharnés, commencèrent par donner l'alarme. Bientôt, toutes les portes des maisons s'ouvrirent, et les habitants de la ville se répandirent en tumulte dans les rues, avec des lanternes en cornes, des torches et des armes de toute espèce. On croyait généralement que c'était une invasion des ennemis, mais à mesure qu'on remarquait l'allure pacifique et même un peu tremblante de la caravane, les esprits se calmaient et chacun rentrait chez soi. Il était plus de minuit quand nous pûmes enfin dérouler nos couvertures et prendre un peu de sommeil. Nous nous couchâmes après avoir statué qu'on s'arrêterait un jour à Jaya. Ce n'était pas trop qu'un jour de repos, après avoir traversé la fameuse montagne d'Angti. Jaya est, comme nous l'avons déjà dit, la résidence du jeune lama Utuktu, qui pour lors était en guerre avec celui de Tsiamdo. La ville, située dans une belle vallée, est assez vaste, mais au moment où nous y passâmes, elle était à moitié ruinée. Il y avait tout au plus une 20aine de jours qu'elle avait été attaquée par les partisans du grand Utuktu. Les deux parties s'étaient livrées, nous dit-on, des combats terribles, et où, de part et d'autre, les victimes avaient été nombreuses. En parcourant la ville, nous vîmes des quartiers totalement ravagés par la flamme. Il ne restait plus que d'énormes amas de pierres calcinées et des boiseries réduites en charbon. Tous les arbres de la vallée avaient été coupés, et le piétinement des chevaux avait ravagé et bouleversé de fond en comble les champs cultivés. La célèbre lamaserie de Jaya était déserte. Les cellules des lamas et le mur de plus de 100 toises de circonférence qui les entouraient, tout avait été démoli et n'offrait plus qu'un horrible amas de ruines. On n'avait respecté que les principaux temples de Bouddha. Le gouvernement chinois entretient à Jaya une petite garnison composée d'une 20aine de soldats ayant à leur tête un Tsien-tsung et un Pa-tsung. Tous ces militaires avaient une mine peu satisfaite. Ils paraissaient se plaire médiocrement au milieu de ce pays en proie à toutes les horreurs de la guerre civile. L'attitude guerrière de ces montagnards ne leur laissait de repos ni le jour ni la nuit. Ils avaient beau faire tous leurs efforts pour conserver la neutralité, ou plutôt pour avoir l'air d'appartenir aux deux parties, ils ne s'en trouvaient pas moins à chaque instant placés entre deux feux. Il paraît du reste qu'à aucune époque Jaya n'a offert aux Chinois un séjour facile et agréable. Dans tous les temps, la domination chinoise a trouvé une résistance invincible parmi ses fières peuplades. L'itinéraire chinois que nous avions entre les mains, et qui fut écrit sous le règne de l'empereur Qianlong, s'exprime ainsi au sujet de ces contrées. Les Tibétains qui habitent le canton de Jaya sont d'un caractère altier et farouche. Tous les essais pour les dompter ont été infructueux. Ils passent pour très féroces, c'est leur naturel. Ce que l'écrivain chinois appelle caractère farouche n'est au fond qu'un ardent patriotisme et une haine bien légitime de tout joug étranger. Un jour de repos ayant suffisamment réparé nos forces, nous partîmes de Jaya. Il va sans dire que les Chinois furent obligés de payer, argent comptant, le louage des oulas. Les Tibétains de la contrée étaient trop farouches pour nous fournir gratuitement des bœufs et des chevaux. Nous voyageâmes pendant 2 jours dans un pays extrêmement bas, où nous rencontrâmes fréquemment de petits villages et des tentes noires groupées au fond des vallées. Souvent, nous fûmes contraints de passer sur de nombreux ponts en bois pour traverser tantôt des ruisseaux calmes et paisibles et tantôt des torrents qui roulaient avec un fracas épouvantable leurs eaux impétueuses. Un peu avant d'arriver à la station de Hatsutang, nous rejoignîmes la troupe qui accompagnait le cercueil du Liang Tai décédé à Bagong. Le fils lui aussi venait de mourir dans une tente noire après quelques heures d'une affreuse agonie. La caravane n'ayant plus de chef se trouvait dans une désorganisation complète. La plupart des soldats de l'escorte s'étaient dispersés après avoir pillé les bagages de leurs mandarins. 3 seulement étaient restés à leur poste et s'occupaient des moyens d'effectuer le transport de ces 2 cadavres jusqu'en Chine. Ils désespéraient de pouvoir continuer leur route en si petit nombre. Aussi l'arrivée de notre caravane les tira-t-elle d'un grand embarras. Le convoi du père avait été convenablement organisé à Bagong, restait celui du fils. Les porteurs de son palanquin n'avaient pas voulu s'en charger parce qu'ils prévoyaient qu'on ne trouverait pas assez d'argent pour les payer. Placer le cercueil sur un bœuf de charge était une mesure impraticable. Jamais on n'eût pu décider les conducteurs tibétains à porter sur un de leurs animaux un cadavre, et surtout le cadavre d'un Chinois. Il fallut donc user de ruse. Le corps du nouveau défunt fut secrètement coupé en 4 parties, puis arrimé dans une caisse qu'on abandonna sans distinction parmi les bagages. On fit croire aux Tibétains que pour honorer la piété filiale, le corps du fils avait été déposé à côté de celui du père dans le même cercueil. Ces 2 cadavres, que nous nous étions adjoints pour compagnons de route, donnèrent à la caravane un aspect triste, funèbre, et qui agissait fortement sur l'imagination des Chinois. Li, le pacificateur des royaumes, dont les forces allaient tous les jours s'affaiblissant, en était surtout épouvanté. Il eût bien voulu éloigner de lui ce sinistre spectacle, mais il ne l'eût pu sans s'exposer à l'accusation terrible d'avoir mis des obstacles à la sépulture de 2 mandarins morts en pays étranger. De Hatsutang, nous allâmes coucher et changer les oulas dans un petit village de la vallée de Chepankeu, la vallée des ardoises. Selon le témoignage de l'itinéraire chinois, les habitants de cette vallée sont des gens très grossiers, méchants et indociles, ce qui signifie en d'autres termes qu'ils n'ont pas peur des Chinois et qu'ils sont dans l'habitude de leur faire bien payer les yaks et les chevaux qu'ils leur fournissent. La vallée de Chepankeu, comme l'indique son nom, abonde en carrières de schiste argileux. Les Tibétains de ces contrées en retirent de belles feuilles d'ardoise dont ils recouvrent les plateformes de leurs maisons. Ils sont aussi dans l'usage d'en extraire des lames très épaisses et de graver dessus des images de Bouddha avec la formule « Om Mani Padme Hum ». Ces ardoises sont d'un grain extrêmement fin. Les petites parcelles de mica ou de tal qu'elles renferment leur donnent un lustre brillant et soyeux. Le ruisseau qui coule au centre de la vallée contient une grande quantité de poudre d'or. Les gens du pays ne négligent pas de la recueillir et de la purifier. En nous promenant le long de ce ruisseau, nous avons trouvé plusieurs fragments de creusets où étaient encore attachées de nombreuses parcelles d'or. Nous les montrâmes aux pacificateurs des royaumes, et cette vue sembla ranimer ses forces et resserrer les liens qui l'attachaient à la vie. Sa figure s'empourpra soudainement, ses yeux presque éteints pétillèrent d'un feu inaccoutumé. On eût dit que la vue de quelques grains d'or lui avait fait complètement oublier et sa maladie et les 2 cadavres qui l'escortaient. Les daims musqués abondent dans la vallée schisteuse. Quoique cet animal, ami des froids climats, se rencontre sur presque toutes les montagnes du Tibet, cependant nulle part, peut-être, on en voit en aussi grand nombre qu'aux environs de Chepankeu. Les pins, les cèdres, les houx et les cyprès qui recouvrent ce pays contribuent sans doute beaucoup à attirer ces animaux qui affectionnent d'une manière particulière les racines de ces arbres à odeur forte et aromatique. Le daim musqué est de la hauteur d'un chevrotin. Il a la tête petite, le museau pointu et orné de longues moustaches blanchâtres, ses jambes sont fines et sa croupe large et épaisse. 2 dents longues et recourbées qui sortent de sa mâchoire supérieure lui servent à arracher du sol les racines parfumées qui font sa nourriture. Son poil a généralement de 2 à 3 pouces de longueur. Il est creux, comme celui de presque tous les animaux qui vivent vers le nord des monts Himalaya, extrêmement rude et toujours hérissée. Sa couleur est noire à la partie inférieure, blanche au milieu, et tirant sur le gris à la partie supérieure. Une vessie, suspendue sous le ventre du côté du nombril, renferme la substance précieuse du musc. Les habitants de la vallée schisteuse prennent à la chasse une quantité si considérable de daims musqués que, dans leur maison, on ne voit de toutes parts que des peaux de cet animal, suspendues à des chevilles plantées au mur. Ils utilisent le poil pour rembourrer les épais coussins où ils sont accroupis pendant le jour et les espèces de matelas qui leur servent de lit. Ils trouvent dans le musc la source d'un commerce très lucratif avec les Chinois. Le lendemain de notre arrivée à Chepankeo, nous dîmes adieu aux habitants de la vallée et nous continuâmes notre route. Dans les trois stations qui suivirent, on fut encore sans pitié sur la question des oulas. Les Chinois de la caravane étaient exaspérés de la conduite de ces montagnards sauvages qui, disaient-ils, n'entendaient rien au rite et n'avaient aucune idée du juste et de l'injuste. Pour notre compte, nous nous sentions au contraire de la sympathie pour ces hommes à tempérament rude et vigoureusement trempés. Leur manière, il est vrai, était peu raffinée, mais leur naturel était la générosité et la franchise même. À nos yeux, le fond emportait la forme. Nous arrivâmes enfin à Kiangsa, et les Chinois commencèrent à respirer, car nous entrions dans un pays moins hostile. Kiangsa est une vallée très fertile, et dont les habitants paraissent vivre dans l'aisance. On remarque parmi eux, outre les soldats du poste, un grand nombre de Chinois des provinces du Sichuan et du Yunnan, qui tiennent quelques boutiques de commerce et exercent les arts et les métiers de première nécessité. Peu d'années, dit-on, leur suffisent pour faire dans ce pays une assez jolie fortune. Les deux mandarins militaires du Kiangsa, qui avaient été compagnons d'armes de Li Kuangang, furent effrayés de l'état déplorable dans lequel ils le trouvaient réduit, et lui conseillèrent fortement de continuer sa route en palanquin. Nous joignîmes nos instances aux leurs, et nous eûmes le bonheur de triompher de l'avarice du pacificateur des royaumes. Il parut enfin comprendre qu'un mort n'avait pas besoin d'argent, et qu'avant tout, il fallait songer à conserver sa vie. Le fils du mandarin Pei semblait être mort fort à propos, pour mettre à la disposition de Li Kuangang son palanquin et ses 8 porteurs chinois. Le tout se trouvait à Kiangsa. On s'arrêta un jour, pour faire quelques réparations au palanquin et pour donner aux porteurs le temps de préparer leurs sandales de voyage. Les contrées que nous rencontrâmes au sud de Kiangsa nous parurent moins froides et moins stériles que celles que nous avions parcourues précédemment. Le sol allait en s'inclinant d'une manière très sensible. Nous étions bien encore constamment environnés de montagnes, mais elles perdaient peu à peu leur aspect triste et sauvage. On ne voyait plus ces formes menaçantes, ces gigantesques masses de granit aux découpures brusques et perpendiculaires. Les grandes herbes et les forêts apparaissaient de toutes parts. Les animaux devenaient plus nombreux. Tout annonçait que nous avancions rapidement vers des climats plus tempérés. Les cimes seules des montagnes avaient encore conservé leur couronne de neige et de glaçons. 4 jours après notre départ de Kiangsa, nous arrivâmes sur les bords du Kinchakiang, fleuve à sable d'or, que nous avions déjà traversé sur la glace avec l'ambassade tibétaine 2 mois avant d'arriver à Lhasa. Au milieu des belles plaines de la Chine, ce fleuve magnifique roule ses ondes bleues avec une imposante majesté. Mais parmi les montagnes du Tibet, il bondit sans cesse et précipite la grande masse de ses eaux au fond des gorges et des vallées avec une impétuosité et des mugissements épouvantables. À l'endroit où nous rencontrâmes le fleuve, il était encaissé entre 2 montagnes dont les flancs escarpés se dressant perpendiculairement sur les bords lui faisaient un lit étroit, mais d'une grande profondeur. Les eaux couraient rapidement, en faisant entendre un bruit sourd et lugubre. De temps en temps, on voyait avancer d'énormes quartiers de glace qui, après avoir tournoyé dans 1000 remous, allaient se briser avec fracas contre les aspérités de la montagne. Nous suivîmes la rive droite de Kinchakiang pendant une demi-journée. Vers midi, nous arrivâmes à un petit village où nous trouvâmes, disposés à l'avance, tout ce qui était nécessaire pour le passage du fleuve. La caravane se divisa sur 4 grands bateaux plats, et en peu de temps nous fûmes sur la rive opposée. Non loin du bord, à l'entrée d'une étroite vallée, était la station de Chonpalung. Le débat du lieu nous fournit, pour souper, d'excellents poissons frais, et pour dormir, une chambre très bien fermée à tous les vents et d'épais matelas rembourrés avec des poils de daim musqué. Le lendemain, nous côtoyâmes une maigre rivière qui va se réunir au fleuve à sable d'or. Notre cœur était plus épanoui que de coutume, car on nous avait annoncé que le jour même nous arriverions dans une contrée ravissante. Chemin faisant, nous portions donc nos regards de côté et d'autre, avec une inquiète curiosité. De temps en temps, nous nous dressions sur nos étriers pour voir de plus haut, mais le tableau ne se hâtait pas de devenir poétique. À notre gauche, nous avions toujours la susdite rivière, sautillant prosaïquement à travers d'énormes cailloux, et à notre droite, une grosse montagne rousse, triste, décharnée, et coupée en tous sens par de profonds ravins. Des masses de nuages blancs, poussés par un vent piquant, glissaient sur les flancs de la montagne, et allaient former devant nous un sombre horizon de brouillard. Vers midi, la caravane s'arrêta dans une masure pour boire une écuellée de thé et manger une poignée de tsamba. Ensuite, nous grimpâmes jusqu'au sommet de la montagne rousse, et du haut de ce grand observatoire, nous admirâmes à notre droite la magnifique, la ravissante plaine de Batang. Nous nous trouvâmes transportés tout à coup et comme par enchantement, en présence d'une contrée qui offrait à nos regards toutes les merveilles de la végétation la plus riche et la plus variée. Le contraste surtout était saisissant. D'un côté, un pays stérile, sombre, montagneux et presque toujours désert. De l'autre, au contraire, une plaine riante, où de nombreux habitants se livraient, au milieu de fertiles campagnes, aux travaux de la vie agricole. L'itinéraire chinois dit « Le canton de Batang est une belle plaine de 1000 lis de longueur, bien arrosée par des ruisseaux et des sources. Le ciel y est clair, le climat agréable, et tout y réjouit le cœur et les yeux de l'homme. Nous descendîmes à la hâte le versant de montagne, et nous continuâmes notre route dans un véritable jardin, parmi des arbres en fleurs et le long de vertes rizières. Une douce chaleur pénétra peu à peu nos membres, et bientôt nous sentîmes la pesanteur de nos habits fourrés. Il y avait plus de 2 ans que nous n'avions sué. Il nous semblait tout singulier d'avoir chaud, sans être devant un bon feu. Aux environs de la ville de Batang, les soldats de la garnison se trouvèrent en ligne pour rendre les honneurs militaires au pacificateur des royaumes, qui, empaqueté au fond de son palanquin, passa au milieu des rangs d'une façon très peu guerrière. La population tibétaine, qui était tout entière sur pied, accompagna la caravane jusqu'à une belle pagode chinoise qui devait nous servir de logement. Le soir même, les mandarins de la garnison chinoise et les grands lamas de la ville vinrent nous rendre visite et nous faire des offrandes de viande de bœuf et de mouton, de beurre, de farine, de chandelle, de lard, de riz, de noix, de raisin, d'abricots et de plusieurs autres produits de la contrée. À Batang, il y avait un magasin de vivres. C'est le 4e depuis Lhasa. Il est, comme les autres, administré par un mandarin lettré portant le titre de Liang Tai. La garnison chinoise, composée de 300 soldats, est commandée par un Cheupei, de Tien Sung et un Pat Sung. L'entretien annuel des troupes chinoises qui dépendent de ce poste revient à 9 000 onces d'argent, sans compter les distributions de riz et de farine de tsamba. On remarque parmi la population de Batang un très grand nombre de Chinois. Ils s'occupent d'art et d'industrie. Plusieurs même se livrent à l'agriculture et font valoir les fermes des Tibétains. Cette plaine qu'on rencontre comme par enchantement au milieu des montagnes du Tibet est d'une admirable fertilité. Elle fournit 2 récoltes par an. Ses principaux produits sont le riz, le maïs, l'orge grise, le blé, les pois, les choux, les navets, les oignons et plusieurs autres variétés de légumes. Parmi les fruits, on remarque le raisin, la grenade, la pêche, l'abricot et le melon d'eau. Le miel y est aussi très abondant. Enfin, on y trouve des mines de cinabre, sulfure de mercure, dont on retire une grande quantité de mercure. Les Tibétains l'obtiennent dans toute sa pureté, en dégageant le soufre par la combustion ou en le combinant avec de la chaux éteinte. La ville de Batang est grande et très populeuse. Ses habitants paraissent vivre dans l'aisance. Les lamas y sont très nombreux, comme dans toutes les villes tibétaines. La principale lamaserie, qu'on nomme Grand Couvent de Ba, a pour supérieur un kampo qui tient son autorité spirituelle du Dalai Lama de Lhasa. La puissance temporelle du Dalai Lama finit à Batang. Les frontières du Tibet, proprement dit, furent fixées en 1726 à la suite d'une grande guerre que les Tibétains eurent avec les Chinois. Deux jours avant d'arriver à Batang, on rencontre, au sommet de la montagne Mangli, un monument en pierre, indiquant ce qui fut réglé à cette époque entre le gouvernement de Lhasa et celui de Pékin au sujet des limites. Actuellement, les contrées situées à l'est de Batang sont indépendantes de Lhasa sous le rapport temporel. Elles sont gouvernées par des Tutsis, espèces de princes feudataires, institués à leur origine par l'empereur chinois, et reconnaissant encore aujourd'hui son autorité suzeraine. Ces petits souverains sont tenus de se rendre à Pékin tous les 3 ans pour offrir leur tribut à l'empereur. Nous nous arrêtâmes à Batang pendant 3 jours. La maladie de notre conducteur, Li Kuangang, fut la cause de ce retard. Les fatigues journalières de cette longue route avaient tellement accablé ce pauvre mandarin qu'il était dans un état presque désespéré. Son meilleur parti était de profiter du beau climat de Batang et de laisser la caravane poursuivre sa route. Ses amis le lui conseillèrent, mais ce fut vainement. Il voulut continuer le voyage et chercha, par tous les moyens imaginables, à se faire illusion sur la gravité de son mal. Pour notre compte, nous jugeâmes son état si dangereux que nous crûmes devoir profiter du repos et du calme dont nous jouissions à Batang pour lui parler sérieusement de son âme et de l'éternité. Les conversations que nous avions eues en route l'avaient déjà suffisamment éclairé sur les principales vérités du christianisme. Il ne s'agissait plus que de lui faire voir bien clairement sa position et de le convaincre de l'urgence d'entrer franchement et définitivement dans la voie du salut. Li Kuangang fut tout à fait de notre avis. Il trouva que nos observations surabondaient en raison. Il nous parla lui-même fort éloquemment de la fragilité et de la brièveté de la vie, des vanités du monde, de l'impénétrabilité des décrets de Dieu, de l'importance du salut, de la vérité de la religion chrétienne et de l'obligation pour tout homme de l'embrasser. Il nous dit sur tout cela des choses très sensées et très touchantes. Mais quand il fallait conclure, en venir à la pratique, en un mot se déclarer chrétien, tout se détraquait. Il voulait absolument attendre qu'il fût arrivé dans sa famille et qu'il eût abdiqué son mandarinat. Nous eûmes beau lui représenter le danger auquel il s'exposait en ajournant cette grande affaire, tout fut inutile. « Tant que je suis mandarin de l'empereur, disait-il, je ne puis me mettre au service du Seigneur du ciel. » Il avait logé cette idée absurde si avant dans son cerveau qu'il n'eut pas moyen de l'en arracher. En quittant le poste de Batang, nous fûmes contraints de remonter pendant quelque temps tout à fait vers le nord pour reprendre la direction de l'est. Car depuis notre départ de Siam Do, pendant 20 jours consécutifs, nous n'avions cessé un instant de descendre vers le midi. Les caravanes sont obligées d'allonger cette route d'une manière si considérable, afin d'aller chercher un endroit où l'on puisse passer avec quelque sécurité le grand fleuve Kinchakiang. Notre première journée de marche, en nous éloignant de Batang, fut pleine de charme, car nous cheminâmes avec une douce température à travers des paysages d'une ravissante variété. Les 3 sentiers que nous suivions étaient continuellement bordés de saules, de grenadiers et d'abricotiers en fleurs. Le jour suivant, nous retombâmes au milieu des horreurs et des dangers de notre ancien routier. Nous eûmes à gravir une montagne extrêmement élevée, sur laquelle nous fûmes impitoyablement battus par la neige et le vent du nord. C'était une véritable réaction contre le sybaritisme que nous avions savouré dans la plaine tiède et fleurie de Batang. Au pied de la montagne, la neige fut remplacée par une pluie abondante et glaciale qui s'infiltrait jusqu'à la moelle des os. Pour comble d'infortune, nous fûmes forcés de passer la nuit dans une habitation dont le toit, largement crevassé en plusieurs endroits, donnait un libre passage au vent et à la pluie. Nous étions cependant tellement exténués de fatigue que cela ne nous empêcha pas trop de dormir. Le lendemain, nous nous éveillâmes dans la boue. Nous trouvâmes nos couvertures entièrement imbibées et nos membres raidis par le froid. Nous fûmes obligés de nous frictionner violemment avec des morceaux de glace pour faire reprendre au sang sa circulation. L'abominable hameau qui nous procura cet affreux logis porte le nom de Tasso. En sortant de la vallée de Tasso, on monte par une étroite gorge un plateau que nous trouvâmes encombré de neige. De là, nous entrâmes dans une forêt magnifique, la plus belle que nous ayons vue dans les montagnes du Tibet. Les pins, les cèdres et les houx entrelaçaient leurs vigoureuses branches et formaient un dôme de verdure impénétrable au soleil, sous lequel on se trouve bien mieux à l'abri de la pluie et de la neige que dans les maisons de Tasso. Les branches et les troncs de ces grands arbres sont recouverts d'une mousse épaisse qui se prolonge en longs filaments extrêmement déliés. Quand cette mousse filandreuse est récente, elle est d'une jolie couleur verte. Mais lorsqu'elle est vieillie, elle est noire et ressemble exactement à de longues touffes de cheveux sales et mal peignés. Il n'est rien de monstrueux et de fantastique comme ces vieux pins qui portent un nombre infini de longues chevelures suspendues à leurs branches. Le houx épineux qu'on rencontre sur les montagnes du Tibet est remarquable par le prodigieux développement qu'il acquiert. En Europe, il ne dépasse jamais la taille d'un arbuste, mais là, il s'élève toujours à la proportion d'un grand arbre. S'il ne vient pas tout à fait aussi haut que le pin, il rivalise avec lui par la grosseur du tronc. Il lui est même supérieur par la richesse et l'abondance de son feuillage. Cette journée de marche fut longue et fatigante. Il était nuit close quand nous arrivâmes à la station de Samba, où nous devions changer les oulas. Nous étions sur le point de nous coucher quand on remarqua qu'il manquait un Tibétain de l'escorte. C'était précisément celui qui avait été désigné pour notre domestique. On le chercha avec soin, mais en vain, dans tous les recoins du petit village où nous venions d'arriver. On conclut qu'il s'était égaré dans la forêt. La première pensée fut d'envoyer à sa découverte. Mais avec la nuit obscure qu'il faisait, comment trouver un homme dans cette vaste et épaisse forêt? On se contenta de se rendre en troupe sur une colline voisine, de pousser des cris et d'allumer un grand feu. Vers minuit, le voyageur égaré reparut presque mourant de fatigue. Il portait sur son dos la selle de son cheval, qui, trouvant sans doute la route trop longue, avait jugé à propos de se coucher au milieu de la forêt, sans qu'il ait été possible de le faire relever. Le retour de ce pauvre jeune homme combla de joie tout le monde, et chacun alla prendre un peu de sommeil. Le lendemain, on se leva tard. Pendant que les habitants de Samba conduisaient les chevaux et les bêtes de somme pour l'organisation de la caravane, nous allâmes faire une petite promenade et jeter un coup d'œil sur cette contrée où nous étions arrivés de nuit. Le village de Samba est un assemblage d'une trentaine de maisonnettes construites avec de gros cailloux et grossièrement cimentées, les unes avec de la bouse de vache, les autres avec de la boue. L'aspect du village est triste, mais les environs sont assez riants. Deux ruisseaux venant, l'un de l'ouest, l'autre du sud, opèrent leur jonction tout près du village et donnent naissance à une rivière qui roule ses eaux transparentes à travers une vaste prairie. Un petit pont de bois peint en rouge, des troupeaux de chèvres et de bœufs à longs poils qui folâtrent parmi les pâturages, des cigognes et des canards sauvages qui pêchaient leur déjeuner sur les bords de l'eau, quelques cyprès gigantesques disséminés çà et là, la fumée même qui s'élevait des cases tibétaines et que le vent chassait doucement le long des coteaux voisins, tout contribuait à donner de la vie et du charme à ce tableau. Le ciel, du reste, était pur et serein. Déjà le soleil, ayant fait un peu de chemin au-dessus de l'horizon, nous promettait un beau jour et une douce température. Nous retournâmes au logis en continuant en palant notre promenade. La caravane était organisée et sur le point de se mettre en route. Les bêtes de somme étaient chargées de leurs fardeaux. Les cavaliers, la robe retroussée et le fouet à la main, étaient prêts à monter à cheval. « Nous sommes en retard, » dîmes-nous, « pressons le pas. » Et d'une course, nous fûmes à notre poste. « Pourquoi vous hâtez ?» nous dit un soldat chinois. « Li Kuangang n'est pas prêt. Il n'a pas encore ouvert la porte de sa chambre. »« Aujourd'hui, » répondîmes-nous, « il n'y a pas de grande montagne. Le temps est beau. Rien n'empêche de partir un peu tard. Cependant, va avertir le mandarin que la caravane est prête. » Le soldat poussa la porte et entra dans la chambre de Li Kuangang. Il en ressortit à l'instant, pâle et les yeux hagards. « Li Kuangang est mort !» nous cria-t-il à voix basse. Nous nous précipitâmes dans la chambre et nous vîmes l'infortuné mandarin étendu sur son grabat, la bouche entrouverte, les dents serrées, les yeux crispés par la mort. Nous plaçâmes la main sur son cœur et sa poitrine se souleva lentement. Il y avait encore un faible reste de vie, mais tout espoir était perdu. L'agonisant avait tout à fait perdu l'usage de ses sens. Il poussa encore quelques râlements et rendit le dernier soupir. Les humeurs dont ses jambes étaient engorgées avaient reflué à sa poitrine et l'avaient étouffée. La mort de notre conducteur n'avait pas été imprévue. Elle n'avait au fond rien qui ait dû nous surprendre. Mais elle était arrivée d'une manière si triste et si pitoyable que tout le monde en fut bouleversé. Pour nous, en particulier, nous en fûmes attristés au-delà de toute expression. Nous regrettâmes amèrement qu'il ne nous ait pas été donné d'assister à sa dernière heure cet infortuné, que nous désirions tant faire passer des ténèbres du paganisme aux clartés de la foi. Oh, que les décrets de Dieu sont impénétrables! Une pensée d'espérance, pourtant, peut encore se mêler à nos justes motifs de crainte. Puisque cette pauvre âme était suffisamment éclairée des vérités de la religion, il est permis de penser que Dieu, dans son infinie miséricorde, lui aura peut-être accordé au dernier moment la grâce du baptême de désir. Ce jour-là, la caravane ne se mit pas en marche. Les animaux furent décellés et renvoyés au pâturage. Puis les soldats de l'escorte disposèrent tout ce qui était nécessaire, d'après les rites chinois, pour transporter le corps de leur mandarin jusque dans sa famille. Nous n'entrerons pas ici dans les détails de tout ce qui fut fait à ce sujet, parce que ce qui concerne les mœurs, les usages et les cérémonies des Chinois trouvera sa place ailleurs. Nous dirons seulement que le défunt fut enveloppé dans un grand linceul qui lui avait été donné par le Bouddha vivant de Jashilumbo. Ce linceul, à fond blanc, était entièrement recouvert de sentences tibétaines et d'images de Bouddha, imprimées en noir. Les Tibétains et autres bouddhistes ont une confiance illimitée dans les suaires imprimés qui sont distribués par le Dalai Lama et le Bachan Rinpoché. Ils sont persuadés que ceux qui ont le bonheur d'y être enveloppés après leur mort ne peuvent manquer d'avoir une heureuse transmigration. Par la mort de Li Kuangang, la caravane se trouva sans chef et sans conducteur. Il y avait bien le lama Tsiamchang, à qui le pouvoir eût dû revenir de droit et par une succession légitime. Mais les soldats chinois n'étant que très peu disposés à reconnaître son autorité, nous passâmes de l'état monarchique à la forme républicaine démocratique. Cet état de choses dura tout au plus une demi-journée. Nous étant aperçus que les gens de la caravane, soit tibétains, soit chinois, n'étaient pas encore mûrs pour un gouvernement si parfait, considérant que l'anarchie débordait de toutes parts et que les affaires menaçaient d'aller à la débandade, n'envisageant enfin que l'intérêt public et voulant assurer le salut de la caravane, nous nous emparâmes de la dictature. Nous lançâmes immédiatement force décrets afin que tout fût prêt le lendemain à la pointe du jour pour nous remettre en route. Le besoin d'être gouverné se faisait tellement sentir que personne ne s'avisa de faire de l'opposition et que nous fûmes obéis ponctuellement. À l'heure fixée, nous nous éloignâmes de Samba. La caravane avait un aspect mélancolique et sombre. Avec ses trois cadavres, elle ressemblait absolument à un convoi funèbre. Après 3 jours de marche à travers des montagnes, où nous rencontrâmes à l'ordinaire du vent, de la neige et du froid, nous arrivâmes au poste de Litang. Le gouvernement chinois y tient un magasin de vivres et une garnison composée d'une 100aine de soldats. Les mandarins de Litang sont un Liangtai, un Cheupei et 2 Patsung. Quelques minutes après notre arrivée, ces messieurs vinrent nous rendre visite. Avant toute chose, il fut longuement parlé de la maladie et de la mort de notre conducteur. Ensuite, il fallut dire quelle était notre qualité et à quel titre nous étions dans la caravane. Pour toute explication, nous exhibâmes une longue et large pancarte munie du cachet et de la signature de l'ambassadeur Kichon et contenant les instructions qui avaient été données à Li Kuangang à notre sujet. « c'est bien, » nous dirent ces personnages. « La mort de Li Kuangang ne doit rien changer à votre position. Vous serez bien traité partout où vous passerez. » Jusqu'à ce jour, vous avez toujours vécu en paix avec les gens de la caravane. Certainement, la bonne harmonie durera jusqu'au bout. Nous l'espérions bien ainsi. Cependant, comme, vu la fragilité humaine, il pouvait s'élever en route des difficultés, surtout parmi les soldats chinois, nous désirions beaucoup avoir avec nous un mandarin responsable. Nous en fîmes la demande, et on nous répondit que des 4 mandarins qui étaient à Litang, aucun ne pouvait s'absenter pour nous conduire. Que nous pourrions bien aller tout doucement, comme cela, avec notre escorte tibétaine et chinoise jusqu'aux frontières, et que là, on nous trouverait facilement un mandarin pour nous conduire jusqu'à la capitale du Sichuan. « Bon, » dîmes-nous, « puisque vous ne pouvez pas nous donner un mandarin, dans ce cas nous allons voyager comme nous l'entendons, et aller où il nous plaira. Nous ne répondons même pas de ne pas reprendre en sortant d'ici la route de Lhasa. Vous voyez que nous y allons franchement. Réfléchissez. » Nos 4 magistrats se levèrent en disant qu'ils allaient délibérer sur cette importante affaire et que dans la soirée nous aurions une réponse. Pendant notre souper, un Patsung, l'un des 4 mandarins, se présenta en costume de cérémonie. Après les politesses d'usage, il nous annonça qu'il avait été désigné pour commander notre escorte jusqu'aux frontières, que jamais, dans ses rêves d'ambition, il n'avait songé à l'honneur de conduire des gens de notre espèce, qu'il était confus d'avoir, dès le premier jour, à nous demander une faveur, celle de vouloir bien nous reposer pendant 2 jours à Litang afin de réparer un peu nos forces, qui devaient être épuisées par une si longue et si pénible route. Nous comprîmes que notre homme avait besoin de 2 jours pour terminer quelques affaires et se disposer à un voyage qu'il n'avait pas prévu. « Voilà, lui répondîmes-nous, que ton cœur est déjà plein de sollicitude pour nous. Nous nous reposerons donc pendant 2 jours, puisque tu trouves que ce sera bien ainsi. » Le pouvoir ayant été de nouveau constitué, notre dictature cessa. Mais nous crûmes nous apercevoir que cela plaisait fort peu à nos gens, qui eussent bien mieux aimé avoir affaire à nous qu'à un mandarin. La ville de Litang est bâtie sur les flancs d'un coteau qui s'élève au milieu d'une plaine assez vaste, mais presque stérile. Il n'y vient qu'un peu d'orge grise et quelques maigres herbes qui servent de pâturage à de chétifs troupeaux de chèvres et de yaks. Vue de loin, la ville a mine de quelque chose, 2 grandes lamaseries, richement peintes et dorées, qui sont construites tout à fait sur le sommet de la colline, lui donnent surtout un aspect imposant. Mais quand on parcourt l'intérieur, on ne trouve que des rues laides, sales, étroites et tellement inclinées qu'il faut avoir les jambes bien façonnées aux routes des montagnes pour ne pas perdre l'équilibre à chaque pas. En deçà du grand fleuve à sable d'or, on remarque, parmi les tribus qu'on rencontre, une assez notable modification dans les mœurs, le costume et le langage même. On voit qu'on n'est plus dans le Tibet proprement dit. À mesure qu'on se rapproche des frontières de la Chine, les indigènes ont moins de fierté et de rudesse dans le caractère. On les trouve déjà un peu cupides, flatteurs et rusés. Leur foi religieuse n'est plus même ni si vive ni si franche. Quant au langage, ce n'est plus le tibétain pur qui se parle à Lhasa et dans la province de Kham. C'est un dialecte qui tient beaucoup de l'idiome des Sifan et où l'on remarque plusieurs expressions chinoises. Les Tibétains de Lhasa qui nous accompagnaient avaient toutes les peines du monde à comprendre et à être compris. Le costume ne varie en général que dans la coiffure. Les hommes portent un chapeau de feutre gris ou brun, ressemblant assez à nos chapeaux de feutre lorsqu'ils sortent du fouloir et qu'ils n'ont pas encore été arrondis sur la forme. Les femmes fabriquent avec leurs cheveux une foule innombrable de petites tresses qu'elles laissent flotter sur leurs épaules. Elles appliquent ensuite sur leur tête une grande plaque en argent, assez semblable à une assiette. Les plus élégantes en mettent 2, une de chaque côté, de façon que les 2 extrémités aillent se rencontrer au-dessus de la tête. Le prétexte de se barbouiller la figure en noir n'existe pas pour les femmes de Litang. Ce genre de toilette n'est en vigueur que dans les pays qui sont temporellement soumis au Dalai Lama. La plus importante des lamaseries de Litang possède une grande imprimerie pour les livres bouddhiques. C'est là qu'au jour de fête, les lamas des contrées voisines vont s'approvisionner. Litang fait encore un assez grand commerce de poudre d'or, de chapelets à grains noirs et d'écuelles fabriquées avec des racines de vigne et de buis. Au moment où nous sortîmes de Litang, la garnison chinoise se trouva sous les armes pour rendre les honneurs militaires à Li Kuangang. On n'en fit ni plus ni moins que s'il eût été en vie. Quand le cercueil passa, tous les soldats fléchirent le genou et s'écrièrent « Au tout c'est, Li Kuangang, la chétive garnison de Litang, salut et prospérité !» Le petit mandarin à globule blanc, qui était devenu notre conducteur, rendit le salut à la garnison au nom du défunt. Ce nouveau chef de la caravane était un Chinois d'origine musulmane. On ne trouvait dans toute sa personne rien qui parût tenir le moins du monde du beau type de ses ancêtres. Son corps mince et rabougri, sa figure pointue et goguenarde, sa voix de fausset, son étourderie, tout contribuait à lui donner la tournure d'un petit garçon de boutique, mais pas du tout celle d'un mandarin militaire. Il était prodigieux, en fait, de bavardage. Le premier jour, il nous amusa assez, mais il ne tarda pas à nous être à charge. Il se croyait obligé, en sa qualité de musulman, de nous parler à tout propos de l'Arabie et de ses chevaux qui se vendent leur pesant d'or, de Mahomet et de son fameux sabre qui coupait les métaux, de la Mecque et de ses remparts en bronze. Depuis Litang jusqu'à Ta Tsien Lu, ville frontière de Chine, on ne compte que 600 lis, qui se divisent en 8 étapes. Nous trouvâmes la fin de cette affreuse route du Tibet, en tout semblable à son milieu et à son commencement. Nous avions beau franchir des montagnes, nous en trouvions toujours de nouvelles devant nous. Montagnes toujours d'un aspect menaçant, toujours couverte de neige et semée de précipices. La température n'avait pas subi non plus un changement sensible. Il nous semblait que depuis notre départ de Lhassa, nous ne faisions que nous mouvoir dans un même cercle. Cependant, à mesure que nous avancions, les villages devenaient plus fréquents, sans pourtant rien perdre de leur style tibétain. Le plus important de ces villages est Makiansung, où quelques marchands chinois tiennent des magasins pour approvisionner les caravanes. À une journée de Makiansung, on passe en bateau le Yalungkiang, rivière large et rapide. Sa source est au pied des monts Bayan-Karat, tout près de celle du fleuve Jaune. Elle se réunit au Kinchakiang, dans la province du Sichuan. D'après les traditions du pays, les bords du Yalungkiang auraient été le premier berceau de la nation tibétaine. Pendant que nous passions le Yalungkiang en bateau, un berger traversait la même rivière sur un pont uniquement composé d'un gros câble en peau de yak, fortement tendu d'un bord à l'autre. Une espèce d'étrier en bois était suspendu par une solide lanière à une poule immobile sur le câble. Le berger n'eut qu'à se placer à la renverse sous ce pont étrange, en appuyant les pieds sur l'étrier et en se cramponnant au câble de ses deux mains. Ensuite, il tira le câble par petits coups, et le poids du corps faisant avancer la poulie, il arriva de l'autre côté en peu de temps. Ces ponts sont assez répandus dans le Tibet. Ils sont très commodes pour traverser les torrents et les précipices, mais il faut être habitué à s'en servir. Nous n'avons jamais osé nous y aventurer. Les ponts en chaîne de fer sont aussi très en usage, surtout dans les provinces d'Huai et de Tsang. Pour les construire, on fixe sur les deux bords de la rivière autant de crampons en fer qu'on veut tendre de chaînes. On place ensuite sur les chaînes des planches qu'on recouvre quelquefois d'une couche de terre. Comme ces ponts sont extrêmement élastiques, on a le soin de les garnir de garde-fous. Enfin, nous arrivâmes sains et saufs aux frontières de la Chine, où le climat du Tibet nous fit de bien froids adieux. En traversant la montagne qui précède la ville de Tatianlu, nous fûmes presque ensevelis sous la neige tant elle tombait épaisse et abondante. Elle nous accompagna jusque dans la vallée où est bâtie la ville chinoise qui nous reçut avec une pluie battante. C'était dans les premiers jours du mois de juin 1846. Il y avait près de 3 mois que nous étions partis de Lhassa. D'après l'itinéraire chinois, nous avions parcouru 5050 li. Tatianlu signifie la forge des flèches. Ce nom a été donné à la ville parce que l'an 234 de notre ère, le général Wu Weiwu, en dirigeant son armée contre les pays méridionaux, envoya un de ses lieutenants pour établir une forge de flèches. Cette contrée a tour à tour appartenu aux Tibétains et aux Chinois. Depuis une centaine d'années, elle est considérée comme partie intégrante de l'Empire. Les murs et les fortifications de Tsatsienlu, dit l'itinéraire chinois, sont en pierre de taille. Des Chinois et des Tibétains y habitent mêlés ensemble. C'est par là que les officiers et les corps de troupes qu'on envoie au Tibet sortent de la Chine. Il y passe aussi une grande quantité de thé qui vient de la Chine et qui est destinée à alimenter les provinces du Tibet. C'est à Tatsienlu que se tient la principale foire de thé. Quoique les habitants de ce canton soient très adonnés à la croyance de Bouddha, ils cherchent à faire de petits profits. Cependant, ils sont sincères et justes et se montrent soumis et obéissants, de sorte que rien, même la mort, ne peut changer leur bonne disposition naturelle. Comme ils sont depuis longtemps accoutumés au gouvernement chinois, ils y sont d'autant plus attachés. Nous nous reposâmes 3 jours à Tatsienlu. Pendant ce temps, nous eûmes à nous quereller plusieurs fois par jour avec le principal mandarin du lieu, qui ne voulait pas consentir à nous faire continuer notre route en palanquin. Il dut pourtant en passer par là, car nous ne pouvions pas même supporter l'idée d'aller encore à cheval. Nos jambes avaient enfourché tant de chevaux de tout âge, de toute grandeur, de toute couleur et de toute qualité, qu'elles n'en voulaient plus. Elles aspiraient irrésistiblement à s'étendre en paix dans un palanquin. Cela leur fut accordé grâce à la persévérance et à l'énergie de nos réclamations. L'escorte tibétaine qui nous avait accompagnés si fidèlement pendant cette longue et pénible route faisait de son côté ses préparatifs pour retourner à Lhassa. Nous remîmes au lama Tiamchang une lettre pour le régent dans laquelle nous le remerciâmes de nous avoir donné une escorte si dévouée et qui n'avait cessé de nous faire souvenir, tous les jours de notre voyage, des bons traitements que nous avions reçus à Lhassa. En nous séparant de ces bons tibétains, nous ne pûmes nous empêcher de verser des larmes, car insensiblement et comme à notre insu, il s'était formé entre nous des liens qu'il était bien pénible de rompre. Le lama Tsongchang nous dit en secret qu'il était chargé de nous rappeler, au moment de nous quitter, la promesse que nous avions faite au régent. Il nous demanda si l'on pouvait compter de nous revoir à Lhasa. Nous lui répondîmes que oui, car à cette époque nous étions bien loin de prévoir de quelle nature seraient les obstacles qui s'opposeraient à notre rentrée dans le Tibet. Le lendemain, à l'aube du jour, nous entrâmes dans nos palanquins et nous fûmes portés aux frais du trésor public jusqu'à la capitale de la province du Sichuan, où, par ordre de l'empereur, nous devions subir un jugement solennel par devant les grands mandarins du Céleste Empire. Post-scriptum. Après quelques mois de marche à travers la Chine, nous arrivâmes à Macao dans les commencements du mois d'octobre 1846. Notre long et pénible voyage était terminé, et nous pûmes enfin, à la suite d'un si grand nombre de tribulations, retrouver un peu de calme et de repos. Pendant 2 années de séjour dans notre maison de procure, nous avons profité de nos moments de loisirs pour rédiger les quelques notes recueillies le long de la route. De là, ces souvenirs de voyage que nous adressons à nos frères d'Europe dont la charité veut bien s'intéresser aux épreuves et aux fatigues des missionnaires. Notre rentrée en Chine, pour retourner dans notre mission de la Tartarie mongole, nous force de laisser inachevé le travail que nous avions entrepris. Il nous resterait encore à parler de nos relations avec les tribunaux et les mandarins chinois, à jeter un coup d'œil sur les provinces que nous avons parcourues et à les comparer avec celles que nous avons eu occasion de visiter durant nos voyages antérieurs dans le Céleste Empire. Cette lacune, nous essaierons de la remplir dans les heures de délassement que nous pourrons trouver au milieu des travaux du Saint-Ministère. Peut-être serons-nous en mesure de donner quelques notions exactes sur un pays dont à aucune époque, sans contredit, on n'a eu des idées aussi erronées que de nos jours. Ce n'est pas qu'on manque d'écrits concernant la Chine et les Chinois. Le nombre des ouvrages qui ont paru ces dernières années en France et surtout en Angleterre est vraiment prodigieux. Mais il ne suffit pas toujours du zèle de l'écrivain pour faire connaître des contrées où il n'a jamais mis le pied. Écrire un voyage en Chine après quelques promenades aux factoreries de Canton et aux environs de Macao, c'est peut-être s'exposer beaucoup à parler de choses qu'on ne connaît pas suffisamment. Quoi qu'il soit arrivé au savant orientaliste Klaproth de trouver l'archipel Potocti sans sortir de son cabinet, il est en général assez difficile de faire des découvertes dans un pays sans y avoir pénétré. C'est ainsi que se terminent les souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Tibet et la Chine pendant les années 1844, 1845 et 1846 par Évariste Hugues.